Bonjour à tous, chers amis francophones, et bienvenue à French Pod. Je m'appelle Amaury. Et moi, c'est Christella, et aujourd'hui, on a une leçon avancée. Alors, une leçon ô combien importante et intéressante, puisqu'elle concerne les élections américaines. Tada ! Il fallait qu'on en parle, c'est trop important. Tout à fait. Alors, le contexte du dialogue, c'est une conversation entre deux francophones qui ont acquis la nationalité américaine, et qui donc vont pouvoir voter aux élections 2008. Oui, donc on va prendre cette conversation en marche entre nos deux politologues en herbe. Eh ben, c'est parti, écoutons le dialogue. Tu te mets le doigt dans l'œil. John McCain a toutes ses chances. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai toujours cru que tu supportais les positions démocrates. Pas du tout. Nous votons à droite de père en fils dans la famille. Te vexe pas, on a le droit de se tromper. D'ailleurs, je suis pour le dialogue et le débat des idées. En plus, les points de vue des deux camps ne sont pas toujours diamétralement opposés. Comment ça ? Prenons le thème de l'immigration, par exemple. Ils ont des buts communs. Sécuriser les frontières, engager un processus de légalisation des clandestins et renforcer les sanctions contre les patrons qui emploient des sans-papiers. Oui, mais il y a d'autres sujets épineux qui confirment bien le fossé existant entre les deux parties. Ainsi, Obama compte annuler les réductions d'impôts accordées par George Bush aux revenus de plus de 250 000 dollars par an, tandis que McCain préférait les rendre permanentes. C'est vrai. Moi, je trouve que McCain n'a pas froid aux yeux quand il annonce vouloir équilibrer le budget d'ici la fin de son mandat. Oui, mais je crois qu'Obama pourrait donner un sérieux coup de pouce aux retraités, aux travailleurs et aux foyers propriétaires de leur logement s'il avait la possibilité d'appliquer son projet de réduire leur fiscalité à hauteur de 80 milliards de dollars par an. En tout cas, c'est une bonne initiative de la part des républicains que de vouloir diminuer le taux sur les bénéfices des sociétés de 35 à 25%. Ça, ce serait une mesure efficace pour relancer l'économie. Je crois au contraire que ça n'a ni queue ni tête. Il vaut mieux écouter Obama qui veut porter l'impôt sur les revenus du capital de 15% à 28%. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la bouteille de Bordeaux n'est toujours pas arrivée. Et nous voici de retour. Conversation enflammée. Où on a discuté de fiscalité, on a discuté immigration, on a passé en revue pas mal d'expressions. D'expressions idiomatiques qu'on va être ravis de vous présenter et qu'on espère vont être très utiles pour vous. Donc, on commence par la première, logique. Tu te mets le doigt dans l'œil. Ça vient de l'expression « se mettre le doigt dans l'œil », qui signifie simplement « se tromper complètement ». Il y a aussi des variantes. Se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Et ça, ça veut dire ? Se tromper complètement, mais... Encore plus que complètement. Encore plus que complètement. Il y a même encore pire. Se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Ah oui, celle-là, ouais. Je connaissais pas, tu vois. Est-ce que tu peux imaginer, Amaury ? Tu passes par la tête, le cou, l'omoplate, jusqu'au coude. Elle fait mal, celle-là. Ouais, c'est vraiment se tromper. Alors en fait, on a une conversation entre deux personnages. L'un est démocrate, l'autre est républicain. Ouais. Et donc le républicain vote à droite. C'est logique. Et le démocrate vote à gauche. Oui. C'est une expression française assez courante pour dire voter en faveur des partis de gauche, voter en faveur des partis de droite. C'est ça. Parce que nous en France, nous n'avons pas un parti républicain ou un parti démocrate. En tout cas, ça n'a pas la même appellation. Donc on utilisera souvent voter à gauche ou voter à droite, comme tu viens d'expliquer. Oui, surtout qu'en France, il y a tellement de partis. Aussi, il n'y en a pas que deux. Donc on ne peut pas dire je vote démocrate ou je vote républicain. Pour se situer, on dit à un moment je vote à gauche ou je vote à droite. D'accord, donc les deux personnes ici soutiennent donc des camps opposés. Et quand on veut dire que deux partis sont complètement opposés, on peut dire, comme dans le dialogue, diamétralement opposés. Oui. Ça veut dire vraiment qu'ils n'ont rien en commun. C'est bien ça. Par contre, le personnage qui est en faveur de Barack Obama prend le thème de l'immigration ici pour dire que les deux camps ne sont pas diamétralement opposés. Et en parlant ensuite de l'immigration, il parle des clandestins. Les personnes qui vivent de manière illégale dans un pays, des sans-papiers en fait. D'accord. Mais la personne en faveur des républicains trouve quand même que leurs deux partis sont diamétralement opposés. Et pour le prouver, il parle de sujet épineux. Donc un sujet délicat. Un peu plus loin, il dit que McCain n'a pas froid aux yeux. Alors ça veut dire quoi ça, Amaury ? Froid aux yeux ? Faut porter une écharpe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'expression est ne pas avoir froid aux yeux. C'est quelque chose qui me caractérise, Christella. C'est ne pas avoir peur, dans un sens osé. Exactement. Par exemple, on peut dire il est allé demander au patron une augmentation de salaire de 50%. Eh ben dis donc, il a pas froid aux yeux. Je vais essayer, tiens d'ailleurs. J'ai dit que je n'avais pas froid aux yeux. Mais bon, j'aurais peut-être besoin d'un petit coup de pouce de ta part, comme ils le disent ici dans le dialogue. Donner un coup de pouce. Un petit peu d'aide. Voilà, exactement, un petit peu d'aide. Et c'est vrai qu'ici, Obama est prêt à donner un sérieux coup de pouce aux foyers, aux travailleurs, comme il est dit dans le dialogue, en leur accordant une réduction fiscale de 80 milliards, donc 80 000 millions de dollars par an. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est assez conséquent. Mais le partisan du Parti Républicain a de la répartie. Et il rétorque, c'est une bonne initiative de la part des Républicains que de vouloir diminuer le taux sur les bénéfices des sociétés. Alors ici, on a une structure grammaticale particulière. On peut dire, c'est une bonne initiative de. Mais on peut aussi dire, c'est une bonne initiative que de vouloir faire quelque chose. Donc les deux sont valables. Oui, voilà. On peut aussi dire, c'est une bonne idée que de vouloir promouvoir l'égalité des sexes. C'est vrai, tout à fait. Très bon exemple également. Contente que tu approuves, Amaury. Je crois que tu vas approuver le mien aussi. Je crois que c'est une très bonne idée que de partir en vacances à Tahiti cette année. Je suis d'accord. Tu me payes le voyage ? Tout à fait. Pas de problème. Pas de problème. C'est vrai ? Bon, je crois que ce qu'on vient de dire, ça n'a ni queue ni tête, Christella. Je crois aussi. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. Ouais. Et c'est ce que croit le partisan d'Obama dans le dialogue. Il dit, je crois au contraire que cela n'a ni queue ni tête. La proposition des Républicains. Mais bon, ce sont deux Français, alors ils changent de sujet très rapidement. Et le plus important pour eux, qu'est-ce que c'est ? Eh oui, donc ils reviennent à l'essentiel. La bouteille de Bordeaux. Oui, la bouteille de Bordeaux, tout à fait. Bon, en attendant leur bouteille de Bordeaux, on va réécouter le dialogue. C'est parti. Tu te mets le doigt dans l'œil. John McCain a toutes ses chances. D'ailleurs, qu'est-ce qui te fait dire ça ? J'ai toujours cru que tu supportais les positions démocrates. Pas du tout. Nous votons à droite de père en fils dans la famille. Te vexe pas, on a le droit de se tromper. D'ailleurs, je suis pour le dialogue et le débat des idées. En plus, les points de vue des deux camps ne sont pas toujours diamétralement opposés. Comment ça ? Prenons le thème de l'immigration, par exemple. Ils ont des buts communs. Sécuriser les frontières, engager un processus de légalisation des clandestins et renforcer les sanctions contre les patrons qui emploient des sans-papiers. Oui, mais il y a d'autres sujets épineux qui confirment bien le fossé existant entre les deux parties. Ainsi, Obama compte annuler les réductions d'impôts accordées par George Bush aux revenus de plus de 250 000 dollars par an, tandis que McCain préférait les rendre permanentes. C'est vrai. Moi, je trouve que McCain n'a pas froid aux yeux quand il annonce vouloir équilibrer le budget d'ici la fin de son mandat. Oui, mais je crois qu'Obama pourrait donner un sérieux coup de pouce aux retraités, aux travailleurs et aux foyers propriétaires de leur logement s'il avait la possibilité d'appliquer son projet de réduire leur fiscalité à hauteur de 80 milliards de dollars par an. En tout cas, c'est une bonne initiative de la part des Républicains que de vouloir diminuer le taux sur les bénéfices des sociétés de 35 à 25%. Ça, ce serait une mesure efficace pour relancer l'économie. Je crois au contraire que ça n'a ni queue ni tête. Il vaut mieux écouter Obama qui veut porter l'impôt sur les revenus du capital de 15% à 28%. Bon, c'est bien beau tout ça, mais la bouteille de Bordeaux n'est toujours pas arrivée. Et nous voici de retour. Alors ce sujet, les élections américaines, ça touche plutôt les États-Unis. Pourquoi on en parle en FrenchPod ? Ah non, non, il est vraiment primordial d'en parler dans FrenchPod également. Pourquoi ? Parce qu'en France, ce n'est pas un sujet qui passe inaperçu. En fait, les grands quotidiens, les télévisions, enfin beaucoup de journalistes et également la population française suivent ce qui se passe au niveau politique depuis même déjà le début des primaires. Oui, je me souviens que quand Hillary Clinton était encore dans la course, oui, les plus grands journaux français en parlaient très régulièrement. Ah, mais quotidiennement. Et c'est très important parce que la politique des États-Unis touche le monde entier et ça a de l'influence sur la France également. Et donc les Français s'y intéressent. Parce que récemment, aussi bien en France qu'aux États-Unis, on a énormément parlé des relations entre les deux pays qui étaient peut-être un peu tendues, qui n'étaient pas au beau fixe. Mais en fait, les relations franco-américaines sont vraiment très importantes, notamment pour les Français, quoi qu'on en dise. Évidemment. La politique américaine, et même pas seulement la politique, mais à d'autres niveaux, que ce soit au niveau culturel, au niveau artistique, enfin, il y a une très grande influence américaine en France. Et même sur toute l'Europe, enfin de toute façon, il n'y a pas de secret dans le monde entier. Et par conséquent, ces élections américaines sont largement suivies par le public français. Alors Amaury, le public français est plutôt en faveur de Obama ou de McCain ? Ce n'est pas encore le jour des élections, mais il semblerait que pour l'instant, entre 60 et 80% des Français se prononceraient en faveur de Barack Obama. Mais bon, tu sais très bien comment ça se passe. En politique, tout peut changer. N'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com et à laisser vos commentaires. Nous, à FrenchPod, on accepte tout le monde. Donc, quel que soit votre avis, on est intéressés. C'est clair. Mais avant de se quitter, comme dans cette leçon, il y avait beaucoup d'expressions idiomatiques, on s'est dit que ce serait intéressant de les revoir un petit peu avant de se quitter. Donc, on a la première, se mettre le doigt dans l'œil. Amaury, si tu crois que je veux sortir avec toi, tu te mets le doigt dans l'œil. Avec toujours de charmants exemples de la part de Christella. De rien. Et ensuite, on a eu ne pas avoir froid aux yeux. Par exemple, ce sportif n'a vraiment pas froid aux yeux. Il a décidé de gravir la Statue de la Liberté à main nue. Bonne chance. Eh oui, il faut lui souhaiter bonne chance, le pauvre. Alors après, on a eu aussi le fameux coup de pouce, qui peut être employé comme dans le dialogue avec le verbe donner. Donner un coup de pouce. Amaury, j'ai besoin d'acheter une maison. Tu me donnes un coup de pouce? Je veux de l'argent. Combien de milliards tu veux? 80 milliards. Ok. Et alors la dernière ici, n'avoir ni queue ni tête. Il est arrivé en retard, mais il m'a donné une excuse qui n'avait ni queue ni tête. Ok. T'as raconté n'importe quoi, quoi. Vraiment n'importe quoi. Une excuse, encore. Une excuse lamentable. Ah là là, ces hommes. Bon, sur ce, j'ai l'impression qu'on a associé un peu l'humour et le politique, ce qui ne fait pas de mal. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. Salut.